Mes amis, quelle catastrophe. Vous avez entendu? Sur France 3, on parle de sexe aux adolescents. Alors qu'on parle de sexe aux ados, je vois pas d'inconvénient. Mais qu'on fasse ça, sans me demander, là je comprends plus. En plus, c'est du gâchis parce que, j'avais un truc sous le coude. Un programme hautement pédagogique qui apprenait à la jeunesse comment faire face aux grands challenges de la culbute. Tenez, vous avez de la chance, j'ai une cassette avec moi. On va se faire un petit extrait. Tout d'abord, ami jeune, tu dois mettre ton partenaire dans l'ambiance. Pour ce faire, une musique appropriée doit être minutieusement choisie. Ah, ouais, ça... Eh ben ça, au moins, c'est de la belle musique de... Un peu de salope, disons-le, hein, faut appeler un chat un chat, hein. Maintenant que vous êtes dans l'ambiance, décontractez-vous, hein. N'écoutez pas les messages castrateurs de la santé publique qui mènent à la déprime, genre l'alcool est dangereux pour la santé. N'importe quoi. Non, allez-y les enfants, sortez un cubi ou deux de schnapps, la personne qui rend heureux. Une fois à l'aise, approchez-vous de votre cible, de votre proie. Normalement, avec la quantité d'alcool ingurgitée, elle ne devrait pas trop bouger. Dans un premier temps, vous lui faites un compliment idiot de son âge, du style « Waouh, la vache, tu déchires trop grave avec ton jeans Lori et tes baskets Jennifer. » Normalement, ça doit lui faire sauter les coutures du string Damien 16. Si jamais elle résiste, n'abandonnez surtout pas, malheureux. Faites-lui comprendre, discrètement, que vous en pincez pour elle. Si par chance, vous avez sur vous ce que les adultes appellent communément la gaule, montrez-lui. Là, il se peut que la gazelle ait des velléités de fuite. Une fois de plus, soyez plus fort que son indécision. Normalement, un croche-pied discret devrait arrêter sa course. Profitez de sa position à terre pour mettre un pied sur sa tête et... Non. Si. Ah non. Je sais. Je sais, c'est... Pas joli, joli. C'est pas très fair-play, mais... Si vous voulez obtenir ce pourquoi vous avez prié pendant 9 ans en regardant l'assise vers 22h30... Vous les chanterez, ce à quoi aucune femelle teenager ne résiste depuis des générations. Mais en réalité, j'ai envie de raser ton pubis. C'est une nouvelle version. Ouais, ça. Là, normalement, elle vous bouffe la chaussure qui lui écrase le crâne. Elle se lève d'un seul coup, elle s'éclate 3 boutons, vous les faites bouffer, se crève un œil hurlant. Albator, fais-moi péter le cartable, j'ai la trousse en feu. Que toutes les maladies vénériennes de la Star Academy me rongent l'arrêt s'il le faut, mais j'en peux plus. Sors ton gros stabilo et surligne-moi de plaisir. Et là, si ça le fait toujours pas, deux solutions s'imposent. La première, tu la laisses partir, tu vas te louer un film de cul. Seconde solution, tu l'attaches et tu lui murmures à l'oreille le cri du plaisir ultime. Attention, à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Oh... Baby. Et là, pendant des heures, tu la chevauches comme un dresseur cosaque des plaines du Connemara. Le tout, bien sûr, en filmant la scène. De cette façon, tu arrives à tes fins libidineuses et en plus, tu te fais du pognon en vendant tes exploits sur Internet et tu peux acheter ton shit pendant les vacances. Alors, elle est pas simple, la vie amoureuse avec Helmut. Dans notre prochaine leçon, nous verrons comment faire pour se taper la mère de votre meilleur copain de classe. À bientôt. Vous avez vu, Christophe? Moi aussi, avec mon programme, je pouvais très bien éduquer la jeunesse. Ça, c'est de la révision pour le bac. Bon, je vous laisse. J'ai rendez-vous dans une maison de retraite pour vendre mon programme sur l'amour après 100 ans. Ça s'appelle Vieillard, mon ami. Toi aussi, tu peux jouer avec ton goumi. Auf Wiedersehen.